Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un numéro de Dans ton cube. Alors, premier numéro de confinement, je suis vraiment très content de pouvoir le faire. J'espère que la qualité du son ira, qu'on n'aura pas de problème technique comme on a pu avoir par le passé quand on a essayé de faire des numéros avec du remote. Pour information, on est donc en live sur Discord et sur YouTube. Si jamais vous écoutez ça en podcast et que vous vous dites ça, j'aurais bien aimé participer ou j'aurais bien aimé poser des questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour un prochain numéro. On les annonce sur meetup.com et sur Twitter. Alors sur Twitter, c'est souvent au dernier moment, mais bon, voilà, c'est annoncé. Et voilà, donc on va bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Et je vais d'abord laisser mes deux nouvelles personnes se présenter, parce que vous ne les connaissez pas. Et on va commencer d'abord par Alban. Bonjour, donc moi c'est Alban. J'habite à Berlin, je viens de France, et je travaille à Kindfork. Et je vais parler de Inspector Gadget. Alors, mon profil, c'est plutôt de développeur à la fois sur Kubernetes et sur les applications Linux bas niveau, disons. Donc, je travaille sur les containers, sur le BPF. Je vais parler de pas mal de BPF aussi. Super. Bah, je pense qu'on en apprendra encore plus après, dans la suite du podcast, hein, de toute façon. Et Julien ? Et moi, j'ai plus c'est l'inverse, c'est plus un profil Ops ou DevOps, si on peut dire. Et je prends le train un peu en marche. On est en 2020 et je commence à me mettre à fond à Kubernetes. J'ai fait beaucoup de Terraform, énormément de Terraform. Et récemment, là, je mange à pleines dents, je mords à pleines dents dans Kubernetes. Et j'ai plein de choses à vous raconter aussi sur une expérience très fraîche que j'ai vraiment en tête. Et voilà, plus avec un profil DevOps. Et je vis à Paris. Voilà. Bah, génial. Tu peux aussi faire de la pub hein, pour les autres choses à côté que tu as. N'hésite pas. C'est vrai. Génial. Quand je ne code pas ou quand je ne crie pas sur des serveurs pour qu'ils redémarrent, j'organise des Wiki Wars habituellement dans des bars et maintenant en ligne, comme les Dans ton cube spécial confinement. Donc, c'est tous les dimanches sur Facebook. Vous allez voir Wiki Wars. C'est des compétitions de vitesse sur Wikipédia. C'est complètement débile, donc indispensable. Venez nous voir. Voilà, pour l'avoir fait, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, les Wiki Wars. Si jamais vous n'avez pas compris, allez voir. Voilà, tout ce que je peux dire. Et donc moi, Guillaume, vous commencez à me connaître maintenant. Et donc je suis indépendant autour de Kubernetes, des conteneurs, du DevOps. On a essayé tout à l'heure de me demander ce que je faisais et j'ai essayé de le résumer, j'ai pas réussi. Donc voilà, globalement je travaille là-dedans. Donc si jamais vous avez des questions, des besoins, des choses comme ça, n'hésitez pas à me demander. Voilà, ça peut même être des conseils ou du travail en direct. Voilà, globalement dessus. Donc comme j'ai pu le dire un peu en introduction, on va essayer de parler de tout le travail qu'on a autour de Kubernetes quand l'application est en production. On a déjà parlé dans le passé de comment on essaye de déployer en production. Je me souviens plus si on a parlé de comment on déploie un cluster Kubernetes, mais on va pas parler de ça explicitement. On va vraiment parler de qu'est-ce qui se passe quand notre application est en production. Et globalement, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes en jeu dedans. Donc, on a l'avantage d'avoir Alban qui est calé sur le sujet, qui va permettre de nous en dire un peu plus sur vraiment les mécanismes sous-jacents. Alors, je pense que ça, c'est un peu évident pour nous, mais je vais essayer de le rappeler, on va parler de Linux. On va pas parler de comment sont implémentés les conteneurs dans un kernel Windows. Enfin, toi aussi, Alban, tu as des compétences encore plus élaborées que ce que je connais, que ce que je sais, mais... Pas particulièrement. Voilà, donc on va rester... Voilà, on va rester dans un écosystème... dans un écosystème purement Linux, ça n'empêche pas que les conteneurs tournent ailleurs. Hein, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Mais voilà, on va essayer de se limiter à ça. Donc d'abord la première chose qu'on s'était dit, c'est qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle comme outil en dehors même du monde de Kubernetes et des conteneurs pour débugger globalement mon application. Ce qu'on s'était dit, c'est que la première chose que les gens vont utiliser, si jamais ils sont de manière poussée, ça va être des APM. Donc des APM de type New Relic ou je sais pas d'ailleurs, ou du Datadog ou des choses comme ça. Je sais pas si vous avez d'autres... Ouais, ou Elastic APM. Voilà. Et même, si on veut remonter encore plus loin, tu sais, quand tu commences à débugger une app et que tu n'as rien, tu vas essayer de trouver tes logs. Là, c'est le niveau zéro. Bon, alors, on va pas s'attarder là-dessus. Mais... Alors ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le niveau zéro. Alors, je ne l'ai pas trop évoqué parce qu'en fait, il est un peu natif dedans. Donc, bien sûr, si jamais vous avez un problème, vous avez vos logs. Mais en fait, comme c'est une composante native de Kubernetes et globalement de Docker et donc de tout cet écosystème-là, je l'ai un peu enlevé de l'équation, je suis d'accord, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de parler de comment on déploie toute la stack de filer, de machin, etc., etc. Je laissais un peu ça de côté parce que, bref, j'aimerais qu'à la fin de ce podcast-là, les gens aient un avis particulier sur les logs en se disant, et si j'arrêtais d'envoyer tout mon bordel dans des logs et si j'avais pas autre chose pour pouvoir débugger que seulement mettre des échos dans mes logs et des prints et des machins, etc. Et si j'avais mieux que ça? Et c'est ça peut-être la chose que j'aimerais avoir à la fin. Mais bon, peut-être, voilà. Reprenons, les gens utilisent les logs. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser autre chose? Et donc, on arrive sur l'APM. L'APM, c'est quelque chose qui existe depuis ultra longtemps. Enfin, je me souviens l'utiliser en 2012, du New Relic en 2012 sur du .NET. Rien de nouveau sous le soleil. Je sais pas si l'un de vous peut résumer un peu ce que c'est un APM. Pour moi, quand je comprends APM, je comprends Distributed Tracing, donc le traçage de requêtes sur un cluster de manière distribuée. C'est-à-dire quand une requête HTTP arrive sur un composant, sur un pod par exemple, qui va par derrière ne pas faire tout le travail, mais déléguer par d'autres requêtes HTTP ou gRPC ou par d'autres mécanismes à d'autres pods, etc., pour avoir une vision d'ensemble de tout ça. Et oui, c'est vrai que les logs, c'est assez limité parce qu'on peut voir les logs d'une application en particulier, mais on n'a pas cette vision d'ensemble pour voir quel log ici correspond à quel log là-bas. Et même l'APM, on peut même rentrer dans le détail. C'est-à-dire que même dans une application, même monolithique ou plus concentrée, on peut même voir à l'intérieur de cette application-là... voir à l'intérieur de cette application-là comment ça se passe, quels vont être les composants, par exemple. Est-ce que je vais mettre du temps à me connecter à la base de données, est-ce que je vais mettre du temps à faire des requêtes, etc. Donc même à l'intérieur de l'application, en fait, notre application, c'est un ensemble distribué de fonctions dont j'ai besoin de connaître laquelle est la plus impactante ou pas. Et c'est vrai que dès qu'on passe, donc ça passe à peu près quand on est à l'échelle d'une application, mais dès qu'on est à l'échelle microservice, alors j'aime pas ce mot de microservice, mais globalement, c'est ce qu'on va avoir besoin quand on va avoir plein de composants comme ça. Moi, les outils que je vois là-dedans, donc tu travailles notamment sur des outils de tracing, Alban, donc c'est pour ça que je vais... Je peux citer quelques noms comme Datadog ou Lightstep. Mais sinon, pour les outils open source, il y a le projet Open Tracing ou Open Census et maintenant Open Telemetry, qui sont des projets open source qui permettent d'instrumenter les applications, récupérer les traces, et faire en sorte de pouvoir les connecter tout ensemble et les mettre à disposition sur un dashboard qui peut être... Il y a plusieurs solutions. Il y a des dashboards open source comme Jaeger. Il y en a d'autres qui sont plus propriétaires comme Lightstep ou Datadog qui proposent des solutions pour voir tout ça sur un dashboard. Ouais, chez Azure, il y a une solution clé en main qui s'appelle App Insight, qui fait un peu ce que tu dis, un peu comme Datadog. On utilise une bibliothèque dans son app .NET ou JS et hop, assez magiquement, on a des stacks qui apparaissent dans des dashboards. On peut relier des événements entre eux, surtout si on a plusieurs services, comme tu disais, Yann, ça devient intéressant. Et là, en fait, quand tu parles de stack, etc., concrètement, ça va... Si jamais... concrètement, qu'est-ce que ça va avoir comme, comme, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire avec, en fait? J'ai jamais entendu parler des APM comme ça, des APM, ouais, et du tracing. Moi, je peux te citer deux usages. Un usage proactif. En fait, tu vas essayer d'aller agréger dans un outil comme ça un maximum de métriques de performance de ton code. Si tu prends un parcours e-commerce classique, tu vas essayer de comprendre pourquoi ta transaction met du temps, pourquoi est-ce que ton navigateur met du temps à revenir, à rendre la page pour un utilisateur. Avec, comme tu disais, cette espèce de vue zoomée, tu vas pouvoir voir appel après appel ce qui se passe dans ton code, avec plus ou moins de niveau de zoom selon les outils dont tu vas disposer. Tu vas avoir un usage réactif. Et là, je pense plutôt à des outils comme Sentry, où en fait, tu vas instrumentaliser toute la gestion d'exception de ton code. Et chaque fois qu'une exception va être levée quelque part, soit par toi, soit par, c'est souvent le cas, par ton code, tu l'avais pas prévu, et ben, toute la stack d'erreurs va être capturée, elle va être présentée sur un beau dashboard, elle va être cliquable, zoomable, corrélable avec d'autres stacks du même type. Et là, ça va devenir un outil formidable de raccourcissement de la boucle de feedback, ouais, pour les devs. Parce qu'en fait, tu peux très vite aller voir ce qui s'est passé sur une erreur, faire le lien avec 36 000 erreurs que tu as déjà eues, et très très vite sortir, plus que de la visibilité, des clés de correction, en fait, des clés pour aller plus vite sur la correction d'un bug, l'implémentation d'une feature. Ok. Et ça se matérialise comment, si jamais je devais le faire de manière très très concrète? Dans le meilleur des mondes, tu vas utiliser un SDK que tu vas choper avec le package manager de ton choix, l'installer, l'utiliser dans ton application ou tes applications, tes services, et ça va remonter un peu comme par magie sur un dashboard. Si tu utilises les outils qu'Alban a cités, il y aura un petit peu plus d'outillage à faire, à mettre en place, parce que forcément le drawback de l'utilisation d'outils plus ouverts et plus gratuits, c'est que tu as souvent un petit peu plus de magie à faire toi-même, mais on va dire que le circuit global, il est toujours le même. Tu vas instrumentaliser ton code, et puis à la fin, tu as de la donnée qui va être mise en forme. Le dashboard, dans des graphes. Ok. Ok, super. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, Alban, là-dessus. D'expérience, même, d'ailleurs. Oui, c'est que cette phase d'instrumentation, c'est effectivement, on a besoin de modifier le code des applications pour ajouter cette instrumentation. Ça se fait souvent pas de manière automatique, il faut rajouter quelque chose au code. Et, d'accord, mais, et ça va être quoi, par exemple? Par exemple, si on va l'application, si c'est du Python, ça va se lier avec la librairie Python de OpenTracing ou OpenTelemetry. Et depuis le code de l'application, on doit appeler les fonctions de cette librairie. Pour dire ici je commence ma trace, ici je finis ma trace, et donc ça permet à la librairie de savoir combien de temps ça a duré et de reporter cette information à un outil extérieur. Ok. Et justement, t'arrêtes pas de parler de Open Tracing ou de Open Telemetry. Pourquoi deux noms? Enfin, ça va être quoi le... Je suis un peu mon candide. Hein, je vais même en donner trois noms. Oui, parce que Open Tracing et Open Census, c'est deux outils qui font à peu près la même chose. C'est, ça fait du traçage distribué. Et il y a longtemps eu ces deux projets en parallèle, mais ça pose problème d'avoir deux projets en parallèle qui ne sont pas compatibles entre eux. Et les développeurs de chaque organisation ont décidé de se mettre... de mettre les choses dans un même pot et de faire quelque chose en commun, et ils ont appelé ça OpenTelemetry. Et donc, OpenTracing et OpenCensus ont décidé ils vont terminer ces projets-là pour se concentrer sur OpenTelemetry. Ok. Et c'en est où à peu près? Parce que l'annonce, c'était déjà il y a presque un an. Non, je ne sais plus quand est-ce qu'était l'annonce. Oui, donc il y a eu des versions bêta de publier de OpenTelemetry, mais il y a toujours des peaufinements de la spec et des implémentations pour donc c'est pas en version 1.0 encore, je dirais, mais il y a quand même pas mal de Je ne peux pas donner de date là, je redirigerai vers la suite. Ok, super. Donc là, en fait, donc si jamais je résume, avec donc ces outils de tracing, on arrive à avoir une vue globale de son application avec donc chacune des parties qui vont prendre du temps, qui vont générer des erreurs. Ça d'ailleurs, ça c'est un point. Est-ce que je pourrais l'utiliser par exemple comme une solution de logging en fait, puisqu'en fait dans mes logs, j'ai besoin d'avoir mes erreurs, mes traces d'erreurs, etc. Est-ce que là, dans un tracing, je pourrais avoir ça pour avoir une sorte de... J'arrive à avoir ma vue, donc je suis passé par tel composant, je suis passé par tel autre composant, ici, ça m'a fait des erreurs, etc. Un peu un parcours utilisateur, mais au sens technologique, en fait, un peu. Si jamais des gens ont déjà utilisé toutes les vues Google, enfin, je sais plus quel est l'outil de Google qui me dit ça. Alors, j'ai tant de personnes qui sont allées sur telle page, après j'ai tant de personnes qui sont allées sur telle autre, etc. Enfin, cette espèce de vue-là, j'ai un peu ça, en fait. Mais est-ce que je pourrais aussi l'utiliser pour avoir mes logs, en fait, enfin, genre mes informations? Oui, donc on peut attacher, en fait, quand on parle de traces, c'est pour regrouper toute une requête qui part du premier composant vers les autres composants, etc. Et une trace, ça va être composée de plusieurs spans. Donc, ça va, sur un composant, ça peut faire un span qui dure un certain temps, puis après, ça va être un autre span, etc. Donc, il y a une vue hiérarchique de tous les spans qui composent la trace. Et pour chaque span, quand on instrumente son code, on peut y attacher des informations. Donc, on peut y attacher des tags, des attributs, et maintenant, avec OpenTelemetry, même des logs. Donc, au lieu de... l'ancienne façon de faire des logs, c'est j'écris quelque chose sur Standard Output, et ça écrit quelque chose dans un fichier de log. Mais maintenant, on peut aussi faire ça, écrire une ligne de log qui est attachée à une trace. Et donc, ça va permettre de contextualiser la ligne de log pour savoir à quelle trace ça correspond exactement. Donc, okay, finalement, on peut instrumenter complètement en ajoutant les informations qu'on veut. Ok, bon, génial. Donc là, on a quand même encore une vue assez haut niveau, entre guillemets, de notre application. Là, on l'a dit, il y a quand même du travail à faire d'instrumentalisation dans son code, de mettre les bons points, de dire, voilà, début de fonction, fin de fonction, pour dire, bon, bah voilà, ici, j'appelle un composant, j'appelle une base de données, j'appelle un logiciel tiers. Moi, je rajouterais aussi qu'il faut pas oublier que, alors, ça demande encore plus de boulot, mais c'est un boulot d'infrastructure, c'est que si on va utiliser des services de type Istio ou des choses comme ça, des services mesh, on va pouvoir avoir, alors, très très haut niveau, mais avoir, je rentre dans tel composant, il se passe quelque chose, je sors de tel composant, etc. Et donc on est beaucoup plus haut niveau, mais on peut avoir ça même sans avoir besoin de toucher au code. Par contre, faut avoir mis un service mesh avant, ce qui est pas forcément plus simple entre les deux. Je sais pas ce que t'en penses, Alban. Je pense que instrumenter le service mesh, ça peut se faire, mais ça ne donne pas toutes les informations, parce qu'il y a certaines informations où il faut vraiment être lié au process qui fait tourner l'application pour savoir de quoi. Quelles sont les requêtes. Parce que le service mesh, il va permettre de savoir que ce composant, il reçoit plusieurs requêtes et il envoie plusieurs requêtes de l'autre côté, mais il ne va pas permettre de pouvoir les lier entre elles pour savoir quelles sont les requêtes entrantes qui génèrent les requêtes sortantes. Et pour ça, il faut vraiment être une application. Et justement, si jamais je suis... Vas-y. Pour permettre cette... je voulais mentionner le concept d'auto-instrumentation, parce que... on peut dire, oui, c'est compliqué, il faut d'ajouter l'instrumentation pour toutes les applications. C'est du travail parfois un peu manuel, mais il y a quand même des outils qui permettent de faire ça de manière un peu plus automatique. Parce que souvent, les applications utilisent un peu toujours les mêmes librairies. Par exemple, dans Python, il y a une série de... je ne me souviens plus des noms maintenant, mais on ne réécrit pas le code HTTP de zéro. Les gens réutilisent des librairies communes. C'est pareil pour d'autres langages. Et donc, en instrumentant ces librairies-là, ça permet de beaucoup simplifier les choses et de rajouter le support dans ces librairies pour pouvoir auto-instrumenter. OK. Donc là, si jamais, j'ai fait toute cette... peut-être pas toute l'instrumentalisation, mais en tout cas, si jamais j'ai réussi à identifier, comment je peux essayer donc de débugger une application? Donc, j'ai vu sur mon chart, donc j'ai toute ma trace qui passe par des composants. On va dire que j'arrive à voir que un de mes composants est en erreur. Pour une raison que j'arrive pas vraiment à identifier, parce que peut-être j'ai pas toutes mes erreurs qui sont là, parce que j'ai pas tout. Comment je peux faire pour essayer d'analyser un nœud en particulier, un pod, un composant en tout cas, en particulier là-dedans. Je sais pas si. Alors, il y a plusieurs outils. Sur certains. En fait, j'aime bien penser qu'est-ce qu'on faisait avant que Kubernetes soit là. Il y a des outils comme GDB pour débugger, il y a des outils comme Stress pour voir les appels système, etc. Et il y a aussi des outils qui sont venus sur Kubernetes pour faire ça. Avant ça, je voulais mentionner Téléprésence. Je pense que tu l'utilisais. Ouais. Bah justement, en fait, parce que moi, la chose que je me dis instinctivement, c'est avant même de voir Deep rentrer à fond dans le logiciel, je me dis, j'aimerais bien juste l'essayer, en fait, me mettre à la place d'eux. En vrai, c'est ce qu'on fait les trois quarts du temps, c'est-à-dire, j'ai une application qui marche pas, j'ai pas activé le mode debug en prod, parce que le mode debug me chie une tétrachier de log et me fait tomber tout mon instrumentalisation, etc. Mais j'ai quand même envie de l'avoir, en fait, ce mode debug-là. Et est-ce que je dois redéployer quelque chose avec le mode debug? Dans ces cas-là, c'est, en fait, débugger, ça veut dire redéployer toute mon application, etc. Est-ce que je pourrais pas faire autrement, peut-être, en essayant d'y... Je voulais mentionner Téléprésence, et après, je vais parler d'Inspecteur Gadget. Téléprésence, c'est une possibilité de faire tourner le pod de Kubernetes sur son laptop, sur mon ordinateur portable, au lieu de le faire tourner sur le cluster Kubernetes, et de toujours avoir, de faire comme s'il était sur le cluster, c'est-à-dire avoir les interfaces réseau comme si c'était sur le cluster. Et donc, ça va mettre en place des proxys réseau pour pouvoir faire tourner ça de façon naturelle. Donc là, avec Téléprésence, si jamais je vois, je vais en fait hijacker un pod qui est dans Kubernetes et en fait, au lieu que ce soit le pod Kubernetes qui tourne, ça va être en local sur ma machine. Et donc là, potentiellement, je peux activer des modes debug, des trace routes, enfin des trace routes, des breakpoints, des choses comme ça. C'est ça un peu... Exactement, oui. Tu pourras tourner l'application comme tu le fais comme un développeur qui fait tourner l'application sur son ordinateur portable. Ok. Et donc... quelle différence on a justement entre Téléprésence et un Docker Run? C'est-à-dire dans quel sens? Pardon, Alban, vas-y. Avec Docker Run sur ma machine, je ne vais pas être intégré au cluster Kubernetes, c'est-à-dire je ne vais pas avoir accès au volume que le pod dans Kubernetes a accès. Je ne vais pas être dans le même réseau, c'est-à-dire que les pods dans Kubernetes qui parlent entre eux, si l'un d'entre eux tourne sur ma machine avec Docker Run, ça ne va pas pouvoir communiquer de façon native. Donc Téléprésence va juste faire la magie pour avoir des proxys qui vont connecter tout ça. Et peut-être aussi, genre, je vais avoir les vraies requêtes de prod, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement quand on est dans des contextes comme ça, c'est toutes les requêtes que j'ai en test, etc., elles marchent. Bah, la preuve, j'ai réussi à déployer. Donc, en fait, j'ai fait tourner toute ma batterie de tests, toutes mes tests marchent. C'est pour ça que j'ai réussi à déployer. Et en prod, ça marche pas. Pourquoi la prod est différente? C'est parce qu'il n'y a que la prod qui est la prod. Et donc, comment je fais pour débugger la prod, en fait? Enfin, c'est genre, c'est mignon d'avoir un SQLite, d'avoir une petite base de données locale, d'avoir un... Qu'est-ce qui se passe quand on est en prod, quoi? Alors, après, moi, la question que je me pose, c'est... en fait, genre, la connexion de proxy, etc., ça va me rajouter de la latence, je vais me rajouter tout ça. Enfin, comment je vais réussir à gérer... Genre, d'un seul coup, mon poste devient la prod en entier, d'un seul coup, comme ça. Je sais pas comment on pourrait gérer ça, les idées qui... Oui, Téléprésence a des limitations, que ça va rajouter la latence réseau, et ça va... Même si ça essaye de faire comme si c'était sur le Kubernetes cluster, il y a quand même quelques différences de ça qui vont limiter les choses. Et j'ai un peu des difficultés à utiliser ça en production parce que ça, je ne veux pas casser la production en changeant le routage un peu. Bon, en gros, faut savoir que ça existe, quoi. C'est un peu ça. c'est pratique pour développer aussi, parce que quand j'ai un cluster de dev, bon là, c'est OK, je peux casser le cluster de dev parce que c'est fait pour du développement. Ça peut être pratique. Et là, je vais plutôt parler d'Inspector Gadget, qui est un outil qu'on développe, qui va utiliser BPF, en fait, pour inspecter les applications, tout ce qui se passe sur un système Linux, y compris sur Kubernetes. Et donc, okay. Il y a plusieurs outils... Oui. Vas-y, justement, continue. Il y a plusieurs outils qui utilisent BPF sur Linux. Il y a comme BCC ou BPF Trace, et qui sont là pour inspecter ce que font les applications sur Linux. Mais on peut aussi les utiliser à travers Kubernetes, à travers des projets comme Inspector Gadget. Et il y en a d'autres aussi. Il y a kubectl Trace qui fait quelque chose de similaire. Donc là, en fait, la chose, c'est que parce que téléprésence, donc, a des limitations, forcément, peut casser la prod. Le but, c'est de se dire comment je vais aller inspecter un pod en particulier. Donc, par exemple, moi, les choses que j'entends la plupart du temps, c'est comment je vais faire un TCP dump. Alors, c'est basique, mais c'est ce que je vais avoir besoin. Comment je vais aller voir ce qui se passe. Donc, est-ce que je dois faire un kubectl exec dedans, installer tous mes outils de debugging à l'intérieur? Est-ce que je dois mettre un ephemeral? Enfin, est-ce que je dois avoir un pod, enfin, un conteneur à côté avec tous mes outils de dev? Est-ce que je dois utiliser les ephemeral conteneurs, etc.? Enfin, si jamais j'essaie d'imaginer, le Inspector Gadget essaye de répondre à ce problème-là pour essayer donc de débugger la vraie prod, en fait. J'essaye de débugger sans avoir besoin de le moquer ou le transférer sur mon poste, mais vraiment d'aller le débugger en local, c'est ça? Ça essaye d'éviter le workflow où le développeur va faire un SSH sur la machine. On essaye d'éviter ça, on essaye d'utiliser les outils plus dans le style kubectl plutôt que dans le style SSH. Et essayer d'éviter d'installer les applications en plus dans les conteneurs, parce que quand c'est en prod, on hésite quand même d'installer des choses en plus au dernier moment. Et donc, quand Inspector Gadget est installé sur le cluster Kubernetes, je vais pouvoir utiliser des outils comme BPF pour certains. Donc, Inspector Gadget, c'est une collection de gadgets. Chacun a un rôle différent et ça permet de débugger d'un peu de manière différente. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec là, enfin, qu'est-ce que vous avez développé comme outil Le premier, c'est un outil qui s'appelle TraceLoop. Alors, c'est un peu comme Stress. Stress, c'est sur Linux, je peux récupérer tous les appels système d'une application, d'un ou plusieurs process. C'est un outil que j'aime bien utiliser en général, parce que ça permet de voir un peu ce que fait une application, quels appels système il fait. Ça me permet de voir ce que ça fait. Mais plutôt que d'utiliser ça, TraceLoop, ça utilise BPF pour faire quelque chose de similaire. Mais ça le fait sans avoir les inconvénients de Stress, parce que Stress, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déployer sur tous les process de toutes les machines en production. C'est pas possible parce que ça ralentit beaucoup les choses et c'est pas vraiment fait pour ça. Et TraceLoop TraceLoop va enregistrer ses appels système en mémoire et les garder dans un ring buffer, dans un tampon en mémoire, qui va être conservé pendant un certain temps. Et ça va se réécrire quand le ring buffer est plein. C'est un peu comme dans les avions, je ne sais plus comment ça s'appelle, les crashs. Dans les boîtes noires. Oui, c'est ça. Ça va enregistrer ce qui se passe. Et si le pod dans Kubernetes crash, j'aurai toujours cette boîte noire pour pouvoir voir quels sont les derniers appels système effectués par ce pod. Ok, génial. Et donc ça va me permettre donc de débugger des applications qui pourraient potentiellement, je sais pas, faire des mauvais appels ou enfin après ça c'est tout le classique du debugging d'applications Linux. D'application Linux. Voilà. Et t'as dit qu'il y avait plusieurs gadgets dedans après. Enfin, vous avez d'autres choses. Alors, il y en a quelques autres. Il y en a pas mal qui sont dérivés des outils de BCC. Donc, ce ne sont pas des outils qui ont été réécrits, mais j'ai juste pris les outils de BCC qui existent déjà, mais les adapter à Kubernetes pour avoir l'expérience de kubectl où on peut l'utiliser comme ça. Il y en a un qui s'appelle. Vas-y. Il y en a un qui s'appelle execSnoop, qui permet de, d'avoir une trace à chaque fois qu'il y a un nouveau process qui est exécuté. Donc, c'est quand un pod exécute un script shell qui fait plusieurs choses, c'est très pratique de pouvoir voir tout ce qui est exécuté ligne par ligne. Il y en a un autre qui s'appelle OpenSnoop, qui permet de voir à chaque fois qu'un nouveau fichier a été ouvert. Donc, c'est à travers l'appel système Open. Et donc, je peux dire à l'inspecteur gadget, je veux surveiller ce pod ou ce groupe de pods en utilisant des labels de Kubernetes pour voir tous les fichiers qui sont ouverts. OK. Et là, à l'heure actuelle, vous l'avez, tu as déjà des cas concrets d'utilisation enfin, quel est l'état un peu de maturité? Est-ce que tu as déjà des retours là-dessus du projet? Pas beaucoup de retours pour l'instant, donc c'est quelque chose qui est toujours en développement. Donc j'essaye de faire un peu de publicité sur ce projet-là. Il y a un autre outil qui était très pratique pour moi, c'est l'outil de le gadget que j'appelle Profil. C'est un CPU profiler qui vient de BCC aussi, qui permet de à intervalles réguliers en utilisant BPF récupérer toutes les backtraces soit du système, soit de certains process pour avoir une idée de ce qui prend du temps sur le processeur. Et ça, quand les choses sont lentes, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, peut-être que c'est un process, peut-être que c'est d'autres choses, ça me permet d'avoir des backtraces et de les classer par ordre d'occurrence, donc celles qui arrivent au dossier, et je vais pouvoir voir ce qui se passe. Ok, et tu peux l'utiliser sur n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quelle application qui tourne sur mon Kubernetes, ou est-ce que je dois faire des adaptations dessus? Est-ce que n'importe quel pod, n'importe quel conteneur qui tourne, ça va marcher ou... Oui, donc ça ne dépend pas de l'application, parce que il y a deux choses, il y a deux sortes de backtrace qui peuvent être possibles. Il y a une backtrace noyau qui récupère la backtrace du côté noyau, qui est pas mal utile parce qu'on voit toujours quels appels systèmes ils font, quels sont les. Ça peut être dans le routage, réseau ou autre chose, on peut voir ce qui se passe. Et il y a la backtrace utilisateur d'un process en particulier. Et qui. C'est un peu la même trace que tu vois dans GDB ou dans d'autres outils comme ça. Et donc, ça dépend pas de l'application, ça n'utilise pas les mêmes outils, les mêmes choses en interne que GDB, mais ça utilise BPF pour récupérer ces traces-là. Et donc, justement, enfin là, tu parles pas mal depuis tout à l'heure de BPF. Alors, si jamais tu devais résumer BPF, et après, on aurait. Parce que je suis sûr que là, même si on voit l'usage là de l'outil, BPF, pourquoi? Enfin, c'est. Pour résumer BPF, je dirais que c'est une mini machine virtuelle qui tourne dans le noyau Linux, en quelque sorte. C'est un peu imagé, mais c'est aussi un bytecode. On peut écrire du code en C qu'on va compiler vers BPF. Donc, c'est comme une pseudo-architecture. Au lieu que ce soit une architecture Intel, c'est l'architecture BPF. Et ce code va être recompiler en noyau, en code natif, pour que ça soit rapide. Et ça peut être utilisé pour plusieurs choses. Ça peut être utilisé pour le réseau. Par exemple, le projet Cilium utilise beaucoup ça. Ou ça peut être utilisé pour la sécurité. Donc, il y a, comme par exemple, Falco, qui est un projet qui utilise BPF pour surveiller ce que les applications font. Ou ça peut être pour du débugage ou du tracing. C'est ce que fait Inspector Gadget et aussi kubectl trace. Ok. Et donc ça, BPF, c'est un truc qu'on peut avoir dans tous les noyaux Linux dessus? Oui, plus ou moins, parce que bon, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Et donc, par exemple, pour utiliser tous les gadgets dans Inspector Gadget, pour l'instant, ça marche mieux à partir de la version Linux 4.17, je crois. Parce que ça utilise certaines fonctionnalités de BPF qui sont arrivées un peu plus tard. Mais sinon, d'autres gadgets, par exemple TraceLoop, je l'ai vu fonctionner sur 4.14. Okay. Il y a toujours des nouveautés. Ça peut marcher. Juste pour information, d'ailleurs, BPF, ça veut dire Berkeley Packet Filter. Je trouve ça assez hallucinant qu'à la base, un truc qui a été fait pour filtrer des paquets soit devenu maintenant une sorte de mini-langage, de mini-machine virtuelle, comme tu le disais, à l'intérieur du kernel. C'est vraiment... je trouve ça assez génialissime que comment ça a dévié, comment un projet comme ça a complètement dévié. Il y a eu pas mal d'évolutions entre le début où c'était pour TCP dump, qui permettait de filtrer sur le réseau. Et maintenant, ça, il y a de plus en plus de choses qui sont passées à eBPF pour la version étendue de BPF. Et ça n'est plus limité au réseau, mais maintenant à la sécurité ou au tracing, pour tracer les différentes choses qui se passent. Et justement, toi, quand tu dois faire un TCP dump à l'intérieur d'un pod, parce que là, on a parlé donc des appels système, si jamais je dois monitorer un peu ce qui se passe sur un pod, tu le ferais comment? Enfin, ou même d'ailleurs Julien, je sais pas si t'as... Eh bien, moi, par chance, et malchance à la fois, j'ai un problème un peu plus, pas basique, mais proche du développeur, proche de l'applicatif. Et donc, généralement, je m'en sors avec les outils qu'on a cités au début de ce podcast. Donc je retourne la question parce qu'elle m'intéresse évidemment. C'est là où mon domaine d'expertise se raréfie. Et toi, Alban, enfin, ça va être quoi? Alors, il n'y a pas de gadget dans Spectre Gadget qui fait TCP dump pour l'instant, mais il y a quelques outils qui se rapprochent un peu. Il y a un gadget qui s'appelle Network Policy, donc c'est pour c'est vraiment un cas d'usage précis pour écrire des network policy sur Kubernetes. Des network policy, c'est pour dire quelles règles de pare-feu je mets sur chaque pod, en quelque sorte. Et le cas d'usage sur lequel je me suis concentré, c'est quand je me retrouve avec un nouveau projet qui a beaucoup de microservices dont je ne connais pas tout parce que j'arrive sur le tard sur ce nouveau projet, et on me demande d'écrire des network policies. C'est un peu difficile parce que je ne sais pas quel pod est supposé parler à quel autre pod, et ça prend beaucoup de temps de les écrire et de vérifier que ça fonctionne correctement, etc. Et donc, il y a un gadget dans Inspector Gadget qui permet de laisser tourner le cluster de manière naturelle. Il va surveiller toutes les connexions TCP, par exemple, entre les différents pods, et se dire, ah, je vois que le front-end, il parle au back-end, donc je vais suggérer au développeur, tu devrais peut-être écrire cette network policy de cette façon-là. Et ça ne répond pas vraiment à la question, ça ne fait pas TCP dump, mais ça fait quelque chose de précis qui permet qui est adapté au contexte de Kubernetes. D'accord, donc c'est un peu un mode d'apprentissage comme on peut avoir sur les systèmes de sécurité. De sécurité classique, en fait. C'est j'apprends et après j'enforce. Oui. Alors, ce n'est pas quelque chose d'automatique parce que c'est quelque chose que le développeur devrait relire pour voir si c'est vraiment correct. Mais ça permet d'aller plus vite et au lieu de taper à la main toutes les network policy qui peuvent être nombreuses. S'il y en a beaucoup de microservices qui parlent entre eux, ça peut être compliqué. Ça peut permettre d'aller plus vite au début. Alors, si jamais je m'auto-réponds à ma question, en fait, si jamais vous voulez faire du TCP dump dans Kubernetes, vous avez le projet Ksniff, alors en fait, qui est Sniff après quand on en plugin, mais qui va vous permettre donc de faire un TCP dump dans un pod, et après ça va vous ouvrir même votre Wirechart directement sur votre poste, et vous allez avoir votre flux TCP dump directement comme si vous étiez sur le pod. Et donc ça, c'est un plugin kubectl que vous allez pouvoir installer assez facilement, qui existe. Je sais pas si vous avez vocation, dans Inspector Gadget, à rajouter ce genre de fonctionnalité-là, ou est-ce que vous laissez justement à d'autres projets qui existent le soin de le faire? Pourquoi pas? Pour l'instant, on s'est concentré plutôt sur les outils BPF. Alors ça, si je comprends bien, c'est... est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que ça fait... Est-ce que ça lance TCP dump sur la machine, ou... Je l'ai su et je me souviens plus comment ça fait, mais ça fait un peu des trucs mystiques. Hein. C'est un peu tout ce genre d'outils qui marchent. T'en as besoin au moment précis et t'es très content que ça marche. Et après, tu oublies d'aller regarder comment ça a fait la magie autour dedans. Ce serait intéressant d'aller voir. Je t'avouerai que là, je me souviens plus. J'ai dit ça il y a un an. Malheureusement, je me souviens plus comment ça marche exactement. Mais en tout cas, ça, ça marche, ce qui est déjà un bon point. Et donc concrètement, c'est vraiment c'est kubectl sniff. Je me souviens plus après les paramètres, mais globalement, vous allez pointer vers un pod. Et après, directement, en fait, ça va vous créer un flux sur votre poste. Alors, est-ce que c'est un fichier? Je crois que c'est un fichier de flux. Et après, en fait, va ouvrir Wireshark pour pointer dessus. Et donc, ça va être vu comme si vous aviez comme si vous étiez en TCP DOM. Je sais pas s'il se connecte en dessous, au node au-dessous. C'est possible qu'il se connecte au node au-dessous, qu'il fasse un TCP DOM avec les bonnes options de filtrage et qu'après, il envoie ça à travers le réseau dessus. Donc, en fait, c'est une espèce de hack où en fait il arrive à se spawner en dessous sur le node qui porte le pod pour après pouvoir faire le TCP dump. Je pense que c'est quelque chose qui doit ressembler à ça. D'accord. C'est bien possible que ça s'attache au network namespace du pod en question pour aller regarder l'ancien TCP dump là-dedans, par exemple. Bon, c'est bien de savoir que ça existe déjà. C'est au moins ça. C'est au moins ça les choses. Mais c'est vrai que oui, les outils sont heureusement qu'il y a des outils plus intégrés peut-être là qui sont en train d'apparaître et justement si jamais tu te focuses à l'heure actuelle sur les outils IBPF donc t'en as cité déjà certains, qu'est-ce qu'il y aurait demain la fonctionnalité que t'aimerais voir ou les fonctionnalités que t'aimerais voir au sens où peut-être le projet deviendra je sais pas s'il est en 1.0 déjà Inspector Gadget mais à quel moment tu te dis là j'ai déjà le bare minimum pour pouvoir bien aider les développeurs. Ah oui, mais pour là sur l'aspect sur lequel je me pose, c'est essayer de faire marcher Inspector Gadget sur plus d'environnement, parce que pour l'instant ça marche bien sur notre distribution Kubernetes qu'on fait à Kinfolk qui s'appelle Locomotive. Mais il y a sur d'autres environnements, c'est plus limité. Il y a certains gadgets qui ne marchent pas. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est ajouter du support. Donc des fois, ça veut dire ajouter un peu de code ou rajouter du support dans BCC ou ailleurs pour faire que ça marche plus en général, pour permettre le développement d'Inspector Gadget sur d'autres environnements. Après, comme fonctionnalité, j'ai plusieurs idées, mais je pense que la base, c'est de faire en sorte que ça marche sur plus d'environnements possible. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, l'état du projet, si jamais on devait le dire, c'est quelque chose de prod ready. Enfin, après, ça ne veut pas dire grand-chose prod, parce qu'on parle d'un truc en debug. Donc, par rapport à rien, ça sera toujours mieux que rien. Mais est-ce qu'on peut se dire que c'est utilisable, c'est en bêta, ça va être quoi pour toi, à ton avis, l'état du projet à l'heure actuelle? Je dirais que ça dépend des gadgets. Il y en a certains qui, ceux qui viennent de BCC, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise en production et que ça ne pose pas trop de problèmes. Pour Thresloop, qui fait l'équivalent de Stress, je pense que je peux l'utiliser sur des environnements, des clusters de développement, par exemple, sans problème. Mais en production, je pense qu'il y a quelques aspects que je voudrais vérifier avant. Par exemple, quelle quantité de mémoire ça prend pour ce genre de choses-là, parce que c'est pas quelque chose que j'utiliserai immédiatement en production. D'accord. Parce qu'en fait, l'architecture qui est utilisée, c'est que donc tu as dit qu'il fallait installer Inspector Gadget. C'est quoi? C'est un daemon set en fait qui vient se mettre sur tous les nœuds, c'est ça? Enfin, il y a C'est exactement ça. Donc, il y a une commande de Inspector Gadget qui s'appelle deploy. En fait, quand j'appelle Inspector Gadget, je fais kubectl gadget. C'est comme un plugin de kubectl. Et donc, je peux faire kubectl gadget deploy et ça va afficher le YAML à déployer. Donc, je peux envoyer ça avec un pipe kubectl apply et l'installer comme ça sur Kubernetes. Donc, il y a un daemon set. Il y a quelques règles airbag pour faire en sorte que ce daemon set soit privilégié parce qu'il a besoin d'être super privilégié pour pouvoir utiliser BPF avec toutes ces options-là. Et puis, c'est à peu près tout. Après, quand j'utilise certains gadgets, ça va utiliser en interne l'équivalent de kubectl exec pour exécuter d'autres gadgets sur ce daemon set. Ok. D'accord, donc il y a une sorte, enfin c'est un peu un système de client-serveur en fait, où mon outil local va parler au daemon set de là où se trouve mon pod en fait, de ce que je veux débugger. Exactement. Ok, génial. Je sais pas si t'as autre chose qui te vient à l'esprit là-dessus sur l'usage que t'en as vu. Enfin déjà oui, est-ce que tu as déjà des retours un peu? T'as dit que malheureusement il n'y a pas assez de retours, mais il y a des gens qui l'utilisent. J'ai vu quelques messages sur GitHub, des gens qui postent des bugs. Donc ça veut dire qu'ils essayent l'outil et qui ça ne marche pas sur tel environnement, et donc c'est bien, mais ça commence tout juste, je dirais. Après, Twistloop, qui est un gadget de l'inspecteur gadget, peut être utilisé indépendamment de Kubernetes, comme Stress pourrait être utilisé indépendamment de Kubernetes aussi. C'est un autre. Ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent. Mais voilà, c'est mon but ici de montrer que ça existe et de la promouvoir. Ah, c'est génial. Je sais pas, Julien, si tu as autre chose là-dessus, ou ce que tu verrais. Je t'entends pas. Là, pour le coup, on t'a perdu. C'est quelque chose que j'ai essayé. Mais je vous entends assez mal pour l'instant, donc je reste observateur. D'accord. Je sais pas si j'ai autre chose là-dessus sur toute la stack de debug à ce moment-là. Si jamais je demande quelque chose et j'ai pas la réponse, donc t'as pas mal parlé de GDB, de choses comme ça. Si jamais demain je veux brancher un GDB sur un de mes pods, je vais avoir une solution pour ça ou c'est... Je ne sais pas exactement. Alors, je vais pas vraiment répondre à la question, mais il y a une fonctionnalité que j'aimerais bien dans Inspector Gadget, c'est d'utiliser d'autres types de traces. Donc en fait, dans BPF, il y a des traces qui utilisent kprobe pour s'attacher à une fonction du noyau Linux à chaque fois qu'elle est exécutée. Mais il y a aussi des traces qui s'appellent uprobe pour user land probe qui s'attachent à un point particulier sur une application. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une application exécute une fonction, par exemple, ça pourrait exécuter le programme BPF et récupérer des traces comme ça. Et j'aimerais bien développer ça plus. Alors, ce n'est pas la même chose que GDB parce que ça ne va pas mettre un breakpoint, ça ne va pas suspendre l'application. Elle va continuer à rouler comme normal. Mais ça permettrait d'attacher des traces à certains endroits. Et alors, j'aimerais bien utiliser ça pour aider les développeurs d'applications sur Kubernetes de récupérer ces traces-là. Il y a un autre projet qui fait ça aussi, comme kubectl trace, qui est un projet similaire à Inspector Gadget, qui utilise BPF trace du côté Kubernetes et qui permet d'attacher des uprobes. Et j'aimerais bien faire quelque chose de similaire. Et j'ai aussi d'autres idées pour l'attacher à quelque chose comme OpenTelemetry plus tard. D'accord. Ouais, super. Je sais plus ce que je voulais dire là-dessus, mais c'est globalement en fait ce qu'il va falloir, c'est avoir une intégration peut-être un jour avec donc tous les IDE, du VS Code, des choses comme ça. Et c'est sans doute ça qui fera une intégration complète. En fait, c'est créer de nouveaux outillages dans cet écosystème cloud. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà pour Linux, mais qui sont mal adapté pour l'environnement Kubernetes parce qu'on serait obligé de faire du SSH, d'avoir un terminal, des choses qu'on hésite à faire en production, mais il faudrait avoir cet environnement-là sur Kubernetes. Donc, Inspector Gadget, ça répond à une partie de ça, mais il y a aussi d'autres outils qui font des choses similaires. Et super, je pense que là, on est allé très très loin là-dedans. Si jamais moi je reviens à d'autres choses pour le coup, peut-être si jamais tu devais un peu me parler de Kinfolk, puisqu'on est allé très vite là-dessus. Donc, vous faites cet outil d'aide au développement, enfin d'aide au debug, donc Inspector Gadget. Tu as parlé aussi d'une distribution Kubernetes. Qu'est-ce que vous allez faire un peu là? Instant promo, je te laisse. Oui. Alors, on a deux produits sur lesquels on vend du support et du développement. C'est d'une part Flatcar, qui est notre distribution Linux, qui est à la base un fork de CoreOS, qui a une distribution Linux spécialisée pour les containers. Donc, c'est un système immutable. Donc, il n'y a pas de gestion de paquets comme RPM ou Debian qui permettent d'ajouter des nouvelles choses. Mais c'est plus un système immutable sur lequel la seule chose qu'on peut tourner vraiment, c'est des containers, donc Docker ou autre. Et donc, c'est une base idéale pour faire tourner Kubernetes dessus, puisque Kubernetes, c'est pour les containers. Et on a aussi une distribution Kubernetes qui s'appelle Locomotive. Et donc, sur Locomotive, on vend des services de migration. Donc, par exemple, des gens qui veulent soit se mettre à Kubernetes, soit migrer d'une plateforme à l'autre, comme Amazon vers Packet. Et on vend des services de migration et du support sur Flatcar et Locomotive. Inspector Gadget, c'est pas l'état de produit, donc c'est quelque chose qu'on veut développer à la fois pour Locomotive, mais aussi pour tous les autres environnements. On veut aussi que ça marche à peu près partout. Ok. C'est super. Enfin, après, moi, je vais dire sur Kingfolk, moi, je vous connais avant tout pour le travail que vous avez fait sur Rocket. Donc voilà, si jamais vous connaissez Rocket, vous avez certaines des personnes qui ont travaillé dessus avec les gens de CoreOS. Donc voilà, tu nous as dit que tu étais basé à Berlin, c'est ça ? C'est ça. Mais je pense que n'importe qui... Enfin, Oui, vas-y. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur Rocket. J'étais à un moment donné tech lead sur Rocket. Et oui, on a beaucoup travaillé avec CoreOS dessus. Donc Rocket, c'est un container runtime, un concurrent de Docker, qui aujourd'hui qui n'est plus en activité, je dirais, qui est archivé. C'était bien à un instant donné. Maintenant, ça n'a pas pris comme on voulait, mais ça a permis de développer certains aspects comme la standardisation des containers. Donc, les images de containers, il y a maintenant un standard qui s'appelle OCI, qui permet de... qui est quelque chose qui... quelque chose de positif qui vient de l'histoire de Rocket et de Docker. Bah, clairement, je pense qu'à l'heure actuelle, toute la sphère, donc des OCI et même des CRI, etc., clairement, ça vient du monde Rocket. Et toute la bataille, justement, dans Kubernetes, la bataille entre Kubernetes et Rockernetes, elle vient de là, elle vient justement de ce fait de se dire il nous faut du choix, il nous faut de la diversité dans un écosystème open source. Et ça a été clairement montrer, alors peut-être brutalement pour certains, moi je pense juste de manière juste, si on regarde sur le passé, bah, ça a marché par Rocket, c'est-à-dire que Rocket a réussi à montrer qu'on pouvait faire des conteneurs autre part que dans Docker, et que bah, maintenant, si on peut avoir tout cet écosystème florissant des CRI avec Kata Container, Divisor, etc., on peut que montrer le grand-père de tout ça qui est Rocket, qui a permis d'en arriver là. Enfin, si jamais on fait une rétrospective dessus, la bataille de Rocket est gagnée, c'est juste que c'est rarement le pionnier qui a gagné la guerre, c'est malheureusement rarement le pionnier qui gagne, mais la bataille est là et la bataille est gagnée, hein. Si jamais. Je suis d'accord, c'est un développement positif. C'est vrai qu'à l'origine, Kubernetes ne marchait qu'avec Docker, et puis après, avec l'apparition de Rocket, le kubelet a une option pour tourner Rocket. Mais après, on s'est aperçu, OK, c'est pas vraiment gérable. Et ça a développé cette interface standard qui est CRI, Container Runtime Interface, qui permet d'utiliser autre chose que juste un seul container runtime. C'est vraiment super. Donc là, les gens peuvent vous contacter. Ils n'ont pas obligé d'être allemands. Genre, vous travaillez avec des gens partout dans le monde. Oui, américain, Europe, etc. Donc maintenant, Kinfolk, on est beaucoup à Berlin, mais on a aussi, aussi une compagnie qui s'ouvre aux États-Unis et en Inde aussi. Et donc on est un peu global et on parle anglais, mais on n'est pas obligé de parler allemand, comme tu le dis. Super. Super. Donc, ma langue de travail en général, c'est l'anglais aussi. Super. Merci beaucoup. J'espère que vous avez tous pu apprendre un peu de comment on peut débugger. On n'est pas allé dans un détail très profond. Je pense qu'on aurait pu aller même sur juste la partie tracing. On aurait pu avoir un numéro entier juste là-dessus. Je pense d'ailleurs qu'on en fera un jour. Mais plus dans un DevOps, parce que le tracing, ça marche pas que sur Kubernetes, ça marche dans tous les projets, en fait. Enfin, on a besoin de tracing. Comment on le fait? Comment on le gère? Là, on a un peu survolé ça au début. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les solutions qui existent, ce dont on a parlé, à venir nous poser des questions, pourquoi pas, également. Voilà. Merci à vous deux de m'avoir accompagné dans ce premier podcast en live. On espère que le son sera bon. Donc, si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'était à peu près écoutable, si vous l'écoutez en podcast. Voilà, on est 20 heures en temps de confinement, c'est le rush des Skype apéro, etc. Donc forcément, c'est assez compliqué le son. Mais merci en tout cas pour tout ça. Je suis sûr que les gens ont dû en apprendre beaucoup. Et puis moi personnellement, en tout cas, j'espère vous revoir dans d'autres numéros sur d'autres sujets avec tout ce qu'on peut faire et l'écosystème florissant que peut être Kubernetes en ce moment. Donc merci à vous deux. Avec plaisir. Et merci aussi.